الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Leçons et trésors de la bataille de Toulouse par le Cheikh Abu Sa'd al-Amili. Hafidhahullah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et auprès de qui je cherche refuge. Louange à Allah, Seigneur des deux mondes et Seigneur des faibles. C'est lui qui leur accorde la victoire, qui humilie les arrogants et qui les défait. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète de la miséricorde et le messager des combats qui a dit « J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure jusqu'à ce qu'Allah soit adoré seul. L'humiliation et le rabaissement sont sur quiconque s'oppose à mes ordres et celui qui imite un peuple en fait alors partie. » Ensuite, les ennemis de cette nation ont abondé, se sont unis et ont fait la plus haute priorité de leurs plans et projets visant à préparer le mal pour cette nation, en se servant de sa fortune et en démolissant ses valeurs et ses signes de développement, pour qu'elle demeure agenouillée et immobile sans aucune résistance ni la moindre capacité de dénoncer tout simplement, ou encore moins de penser ou même d'essayer de supprimer le mal et de rendre l'appareil. Allah a mentionné ce fait dans son glorieux livre où il a dit « Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils le peuvent, vous détourner de votre religion. » Et le Tout-Puissant a dit « Comment donc y aurait-il un quelconque traité? Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leur bouche tandis que leur cœur se refuse et la plupart d'entre eux sont des pervers. » Sourate At-Tawbah, verset 8. Et le Tout-Puissant a dit « Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. » Sourate As-Saf, verset 8. La nouvelle génération d'Al-Qaïda sur la terre des mécréants. Allah, gloire à lui, a voulu que cette nation sorte de ce marais et qu'elle soit élevée et plus haute que le non-sens grâce à ses fils. Et ils sont les soldats d'Allah, gloire à lui, qui ont été élevés sur les tables de la foi et ont été nourris des valeurs et des caractéristiques de la foi, dans les exemples de combats contre les partisans du faux pour apparaître soudainement, exactement comme Allah éleva Moussa pour affronter Pharaon. Ensuite, tu es venu, ô Moussa, conformément à un décret, et je t'ai assigné à moi-même. Sourate Taha, verset 40-41. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a mandaté ces jeunes hommes exactement comme il mandata Moussa alayhi salam, que la paix soit sur lui, avant de partir et de rencontrer les pharaons de leur génération, de faire sauter leur trône et les arracher à partir de leurs racines, eux, ces jeunes qui, juste la veille, n'avaient aucune valeur ni de poids aux yeux de ces pharaons. Ces jeunes hommes n'ont aucun statut social, ni du travail, ni de poids, et n'ont plus de considération. Ils ne sont pas acceptés par ces régimes croisés, et ils passent le plus clair de leur vie entre le marteau de la marginalisation et l'enclume d'un racisme haineux, comme s'ils n'étaient pas humains et n'avaient pas le droit de jouir des droits des hommes blancs, malgré le fait de jouir de la citoyenneté du pays en réalité. La plupart d'entre eux sont nés et ont grandi en Occident dans leurs écoles et entre leurs mains, mais aussi longtemps qu'ils sont musulmans, et qu'ils vont à l'encontre de leurs lois et constitutions mécréantes et cherchent à se singulariser, ils sont alors marginalisés et font l'objet d'accusations d'être des terroristes et des radicaux, allégations qui sont faites pour les maintenir en position de défense plutôt que d'attaque. Cette troisième génération ainsi que certains de la quatrième génération sont liés à l'immigration initiale de leurs pères et de leurs grands-pères vers les pays d'Europe et d'Amérique au début des années 60 du siècle précédent, recherchant une meilleure vie économique et qui est était utilisé par l'Occident croisé pour construire ses infrastructures dans des conditions de vie difficiles qui sont proches de celles des esclaves achetés d'Afrique qui construisirent la plupart des structures d'Amérique et qui étaient considérées comme de la matière utilisée, juste comme les autres matières premières. Les Occidentaux croisés ont préparé les fils et petits-fils de ces immigrants à devenir des fruits juteux qu'ils utilisent pour en faire de nouveaux esclaves. Des esclaves de leur civilisation injuste et matérialiste, ils dissimulèrent les représentations de leur foi et les gardèrent éloignés de leurs valeurs afin de devenir des générations perdues sans identité, ni valeur ou foi, ni couleur, n'ayant de goût ni de senteur autre que ceux instillés en eux en termes de dépendance aveugle suivant leurs valeurs matérialistes, et ils ont été noyés dans un comportement immoral et des valeurs animalières. Beaucoup d'entre eux sont tombés dans le monde de l'immoralité, le crime organisé ainsi que la vente et l'abus de drogue pour s'assurer de leur oubli et séparation de la religion. Et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient durant le siècle dernier, vers la fin des années 80, et autour de l'époque de ce qui a été appelé la guerre du Golfe et celle du début de l'apparition des talibans en Afghanistan. Après cela, l'étoile d'Al-Qaïda s'est levée et avec elle, la voix du djihad s'est propagée au sein de la jeunesse en Occident. Ainsi alors, les choses ont commencé à prendre une différente et nouvelle forme au sein de cette jeunesse perdue, malgré ses orientations immorales et le fait d'être éloignée des enseignements de la religion. Cependant, elle avait des principes moraux qui étaient plus proches de ceux des Arabes de la période anté-islamique, tels que la générosité, la fierté, la bravoure, le refus de l'humiliation, parce qu'ils ont été élevés dans un environnement éloigné de la tyrannie de nos régimes apostats, de la politique de l'humiliation, de l'implantation de la peur et de la terreur au sein du peuple et de l'établissement de l'état de dépendance et de soumission aux tyrans. Ainsi, cette jeunesse en Occident trouva une large marge de liberté. Leurs cœurs ne connurent ni peur ni terreur. Ils ont été plutôt élevés pour être courageux, affrontant les difficultés avec la disponibilité des moyens techniques entre leurs mains. Ils étaient indépendants des autres, pleins d'assurance et avaient d'autres qualités qui les ont qualifiés à être les meilleurs soldats entre les mains des Moudjahidines. Et même plus que cela, ils pouvaient en fait devenir un genre de soldats de l'ombre, distingués et spéciaux, qui sont inconnus, n'intéressent presque personne et qui ne sont pas facilement repérables par l'ennemi par n'importe quelle méthode ou moyen à leur disposition. Nous trouvons ces partisans faire plusieurs choses pour soutenir les Moudjahidines, soit dans les domaines de la da'wa, des médias, de l'économie ou de la sécurité, et en même temps, ils se préparent pour le djihad au cœur même des pays mécréants qui occupent nos terres et transgressent contre notre religion et notre humanité avec l'aide et la bénédiction de nos régimes apostats. Ces jeunes ont appris à se préparer, à combattre ces infidèles chez eux, car ils savent qu'ils sont derrière tout mal et sont la raison du maintien des régimes apostats dans nos pays occupés. Puisqu'il n'y a aucune différence entre le mécréant de base et les gouverneurs apostats en termes de nécessité de les combattre. Ils ne sont que les deux faces d'une même pièce. Alors, ils ont compris qu'il ne peut être possible de combattre l'apostat qui est proche, à moins de garder l'ennemi éloigné bien hors de la guerre et l'affaiblir de telle sorte que ces apostats deviennent une cible facile pour les armes des Moudjahidines. Les batailles passées d'Al-Qaïda sur la terre de la croix leur ont appris à se mettre en rang et à toujours être prêts à faire face aux guerres de croisade et ont implanté en eux le sentiment d'être fort et supérieur tout en prudence, car lorsqu'ils ont vu l'ennemi jeter l'éponge, fuyant, tout en étant incapables de suivre les Moudjahidines et leurs déplacements, cela les a incités à travailler plus et à se remettre à Allah pour poursuivre la voie consistante à blesser l'ennemi, avec comme slogan ce qu'Allah a dit, et quand les vrais croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis, et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fit que faire croître leur foi et leur soumission » Sourate Al-Ahzab, verset 22. des soldats de l'ombre qui ont une grande capacité à changer le cours des événements avec une grande et durable patience à rester informés. À l'affût des ordres et des occasions pour les exécuter, acceptant la moindre des fournitures et armes. Ils sont des soldats d'un nouveau genre que l'ennemi n'a jamais rencontré auparavant et ne peut démasquer. Et lorsque l'un d'eux tombe entre les mains de l'ennemi, ils ne peuvent rien obtenir de lui sinon que des illusions. Et Allah transforme cela en regret dans leur cœur. La bataille de Toulouse est le plus comparable dans le genre à celle de Bombay. Elle ressemble en fait à une plus petite version de celle-ci. Comme elles ont beaucoup de similarités, je vais essayer de rapporter ces leçons et trésors appris de cette bataille, car si cela n'est pas fait, l'auditeur pourrait croire qu'elle n'a pas vraiment eu lieu. Il pourrait croire que c'était irréel, mais Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah qui a guidé l'un de ses serviteurs à accomplir ce que les armées d'apostasie ont échoué à accomplir. La bataille de Toulouse, une étincelle spéciale d'avertissement. Nous sommes accoutumés à voir et à entendre, après chaque bataille de la bénite organisation d'Al-Qaïda, plusieurs réactions variées des gens concernant les bonnes et les mauvaises choses qui arrivent comme conséquence de ces batailles. Chacun le voit avec une vision différente, basée sur sa croyance et sa compréhension, mais ils sont tous d'accord sur l'importance de ces batailles et de ses effets sur la psychologie des ennemis aussi bien que des amis, et son effet sur la scène internationale dans son ensemble. Nous avons vu de nos propres yeux les changements majeurs qui ont accompagné ces batailles, et les fêlures majeures dans le long terme, aussi bien que dans le court terme, que cela a provoqué dans l'établissement et les infrastructures de l'ennemi, et ce dans tous les domaines. Ces réussites sont toujours là et sont réalisées après chaque bataille. Des Mujahidines bénis, et aujourd'hui, nous sommes face à sa plus récente réalisation que nous allons appeler la bataille de Toulouse sur le sol de la France croisée. Nous ne nous importunerons pas avec la réaction des groupes du découragement qui voient chaque chose blanche en noir, juste comme leur malvoyance et leur visage morose. Et nous n'allons pas répondre à leurs ambiguïtés. Nous ne répondrons pas aux doutes des personnes qui appellent à la liberté, esclaves de la démocratie, ni aux défenseurs des droits de l'homme des croisés, mais qui oublient les droits de leurs frères et sœurs musulmans, qu'ils n'ont plus depuis une éternité et contre lesquels on transgresse aujourd'hui aussi bien qu'hier. Tout cela n'ont aucune valeur et ne mérite aucune considération de notre part, à moins qu'ils ne se repentent à leur Seigneur et ne s'accrochent à la charia et se tiennent en rang avec leurs frères pour défendre l'honneur de leur sœur qui a été transgressée pour avoir défendu leur religion et répondu aux ennemis. Mais nous voulons affirmer que cette bataille est considérée comme une étincelle de colère et un avertissement aux croisés occidentaux. Ce qui va venir sera plus dur pour eux et que la mort est en train d'approcher aux mains des soldats qui vivent dans leur sein. Il est si difficile de se méfier de cela et de se défendre contre eux ou d'arrêter leur volcan. Vous ne pouvez surveiller celui qui vous surveille et qui vous contrôle alors que vous ne pouvez le contrôler. Donc vous ne pouvez pas vous défendre contre ces frappes aussi prudents et bien armés puissiez-vous être. C'est là que le danger est trompeur, et cela est le challenge majeur auquel l'Occident fait face dans notre guerre avancée contre lui. L'organisation d'Al-Qaïda, tel Jihad, en Occident se pare avec des yeux bleus, des langues étrangères et une apparence totalement occidentale, et ceci constitue de la part du génie d'Al-Qaïda et une source parmi ses variées et nombreuses sources de force. Alors, ô vous, adorateurs de la croix, préparez-vous pour le reste des épisodes à des heures de feu. La guerre entre nous a des hauts et des bas, et cela concerne plusieurs batailles dont ils peuvent en gagner certaines, et ce pour de longues périodes, mais ils ne gagneront jamais la guerre. Et Allah ne vous laissera jamais avoir l'avantage contre les vrais fils de notre nation. Ce qui est étrange dans cette guerre est que la victoire est née de notre défaite, et nos héros sont apparus après leurs prédécesseurs. Ainsi donc, nous ne souffrons pas de la perte en nombre. Mais tout n'est que bénéfice et victoire. On ne peut avoir que cette nation finale, Mujahid et martyrs. Ainsi nous avançons avec nos têtes hautes de fierté de faire partie de cette nation, et combien serait honorifique pour nous si nous étions choisis pour être des soldats d'Allah. Comment la lâcheté et la soumission aux tyrans peuvent-elles trouver une voie dans les cœurs de ceux qui croient en Allah en tant que Seigneur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, et cet islam grandiose comme religion? Alors que dire, si les monothéistes savent ce qui les attend de la part d'Allah comme récompense juste et haut degré en plus de l'honneur par le martyr, ainsi que le fait de perdurer dans les esprits et les cœurs de ceux qui lui succèdent sur la voie? Leçons et trésors de la bataille de Toulouse. Nous allons rapporter certains points instructifs, comme nous sommes habitués à le faire après chaque bataille singulière parmi les batailles des Moudjahidines de cette nation, et qui, nous l'espérons, seront transformées en programmes pratiques dans nos vies afin de changer nos vies comme elles tournent autour de nombreux équilibres dans le monde de nos ennemis, faisant que leur mode de vie s'achemine vers la peur, la terreur, l'instabilité et l'attente de l'inconnu qui est nocif et destructif pour leur faux bonheur. Comme nous l'avons fait avec la bataille bénite de Bombay, nous allons supporter la bataille de Toulouse, que je considère comme une petite version de Bombay, car le héros est seul. Mais les résultats sont très similaires et proches, et parce qu'il est unique dans son domaine et qu'il sera ajouté dans les récits de bataille d'Al-Qaïda al-Jihad, comme unique dans son genre, et un nouvel exemple de telle sorte que les soldats de l'islam trouvent devant eux une plus large marge de choix avec le moindre des efforts. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Combat donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même, et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Sourate An-Nisa, verset 84. Ainsi, s'il n'y avait rien d'autre à gagner de cette bataille que le fait d'inciter les croyants et de mettre un frein aux infidèles, cela aurait alors été suffisant. Premier point. Détruire les plans des ennemis concernant le fait de corrompre les communautés musulmanes. Allah le Tout-Puissant a dit: ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux sujets de regrets, puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Sourate Al-Anfal, verset 36. Les croisés ont dépensé une quantité incalculable d'argent, ont fourni des efforts éducatifs et des campagnes culturelles considérables pour déstabiliser les générations d'immigrés et les tenir éloignés de l'extrémisme et la terreur islamique, de telle sorte qu'elles deviennent une seconde nation utilisée pour combler les trous de leur société. Et, plus important encore, ils sont tenus éloignés de leur religion, égarés et insignifiants, ne connaissant de leur Coran que ce à quoi ils ressemblent, et ne connaissant de leur religion que son nom, étant musulmans, que par le nom, ayant des corps avec des âmes de démons, avec une mentalité occidentale et des instincts animaux. Mais Allah en a décidé autrement, et a envoyé Al-Qaïda al-Jihad pour reprendre ses victimes hors des dents du lion fier de sa force, ou plutôt du renard fier de sa ruse. Allah voulut le meilleur pour cette jeunesse et les a amenés à la conversion, comme il a fait que Moussa, alayhi salam, que la paix soit sur lui, devienne un ennemi et une source de tristesse pour Pharaon, et finissent par être une raison de l'explosion de son trône et la destruction de son royaume. Ainsi fera Allah de cette jeunesse contre ces pharaons qui sont si fiers de leur force, ignorant qu'Allah a fait que ceux qui étaient plus forts et plus nombreux qu'eux périssent. Cependant, on ne demande pas aux criminels concernant leurs torts. La plus dure des frappes contre l'Occident croisé jusqu'ici et dans le futur est le fait que cette jeunesse commence à devenir une partie d'Al-Qaïda al-Jihad pour porter une part dans le fait de, et c'est le second point, causer des dommages à l'ennemi est considéré comme un objectif majeur dans le djihad. C'est en soi un objectif légitime dans notre religion qui doit être pris en considération dans chaque opération djihadiste. Sourate al-Tawba, verset 14. Combattez-les, Allah par vos mains les châtira, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Il doit y avoir de la torture pour les ennemis. Et cela se fait en lui causant des dommages moraux et matériels, et c'est ce genre de choses qui le déshonore et le renvoie triste et désolé pour ce qui s'est passé et qui guérit la poitrine des musulmans, surtout les faibles et opprimés parmi eux. Ils seront heureux de ce qui est arrivé à l'ennemi, ceci réduit les dommages causés par l'ennemi, et leur foi aux musulmans faibles et opprimés devient alors plus forte, et ils peuvent alors devenir de plus en plus patients et aptes à faire face à ce qu'ils croisent sur leur chemin en termes de dommages et futures agressions. Lorsque ces faibles personnes voient qu'il y a des mujahidines qui possèdent des armes et qu'ils les défendent contre la brutalité des ennemis, cela leur donne une raison de mieux tenir à leur foi et les attirer vers le fait de se joindre à ces gens ou de les supporter secrètement ou publiquement. Troisième point, venger les victimes musulmanes. Quiconque voit la manière avec laquelle l'ennemi se comporte avec les musulmans verra clairement leur haine et leur hâte à verser notre sang pour la moindre raison. Notre sang est considéré présentement comme le moins valeureux de toute la terre. Les ennemis le répandent en Palestine, en Irak, en Afghanistan, en Somalie, dans le Caucase, dans les Balkans occupés et enfin surtout en Syrie, avec la bénédiction des croisés qui dirigent un regard aveugle à ces crimes qui sont si horribles pour être rajoutés à l'histoire. C'est les mêmes qui retournent le monde sans dessus-dessous pour la mort de juste une seule personne parmi leurs souillés et délaissent ce que les apostats font jour et nuit dans nos régimes avec bénédiction et soutien en termes de soutien politique et financier. Tout cela découle du souhait de l'ennemi de nous expédier hors de la religion. À travers toute l'histoire islamique, la France a été considérée comme le fer de lance de la croisade contre les terres d'islam, anciennes ou nouvelles. Elle est au sein de l'OTAN, en Afghanistan, a tué la nation musulmane, et ils essayent d'y éteindre la lumière de l'islam. Et elle mène une guerre contre les musulmans dans leur pays, en France, en faisant des lois pour mettre hors la loi les musulmans, hommes et femmes, dans la pratique de leur religion, empêchant nos sœurs de mettre leur niqab dans les derniers moments de cette sale guerre. Elle est le principal soutien du président des Juifs dans leur guerre et siège contre les musulmans en Palestine, ainsi que dans leur déclaration de guerre totale contre les Moudjahidines, partout sous le slogan de la lutte contre le terrorisme. Elle, la France, est un soutien pour les régimes apostats dans nos pays, et elle détruit la croyance des musulmans dans nos pays à travers l'évangélisation et la propagation du mal par l'intermédiaire de ses consulats, ambassades, missions et par de continuels envoyés culturels. Nous ne devons pas oublier que la France est un modèle pour plusieurs nations occidentales dans sa guerre contre l'islam et son double crime contre notre religion en déclarant la guerre, puis ensuite disant aux autres de suivre son exemple. Tout ceci, et plus encore, fait de la France au-devant des armées qui combattent Allah, son messager et les croyants. Est-ce que tout cela est léger dans leur balance? Pensent-ils que tous ces crimes seront oubliés et vont passer sans punition ni vengeance? Par Allah, non. C'est une caractéristique des fidèles adorateurs d'Allah que de ne pas oublier leur histoire. Et ils n'accepteront pas d'être rabaissés dans leur religion et n'abandonneront jamais le sang de leurs martyrs ou la souffrance de leurs faibles et l'honneur de leurs femmes. Mais ils attendent la bonne occasion pour riposter en retour, car notre religion nous a enseigné que les agresseurs sont en faute et à répondre en brisant la main de l'agresseur et à ne pas transgresser. Donc quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Sourate al-Baqarah, verset 194. La vengeance alors fait partie intégrante de notre religion pour guérir la poitrine des croyants et arrêter les ennemis d'Allah de telle sorte qu'ils n'osent plus récidiver, ou sinon, alors cela devient une habitude en raison de notre lâcheté. Quatrième point, déstabiliser la sécurité de l'ennemi et dévoiler sa faiblesse et fragilité aux musulmans. Les ennemis de l'islam sont nombreux et ils sont unis contre nous malgré leurs apparentes différences. Mais lorsqu'il s'agit de l'islam, ils sont tous unis et coopèrent pour se heurter contre l'islam. Ceci est un fait coranique contre lequel on ne peut argumenter. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Sourat al-Anfal, verset 73. Alors, chaque nation dans cette alliance menée par la France est un classique et important ennemi de l'islam dans la région. Et il est suffisant en soi de noter ses effets sur nos gouvernements apostats et sa présence, en termes d'effets économiques, politiques et culturels sur les terres d'islam depuis plus de 60 ans, dans la zone de l'Afrique du Nord et plus particulièrement dans le Maghreb, dont elle veut faire un marché pour ses biens économiques et culturels, ainsi qu'une extension politique et une porte d'accès aux pays de l'Afrique du Sud et du Sahara. Pour cette raison et d'autres, les Moudjahidines doivent prendre pour cible la France dans leurs opérations pour déstabiliser sa sécurité et pour dévoiler la fausseté qu'elle cache. C'est un challenge contre l'ennemi et c'est un ordre de la charia, parce que cela vient dans le cadre de terroriser l'ennemi. La guerre est ouverte et il est permis d'utiliser toutes les méthodes pour affaiblir et dévoiler la faiblesse de l'ennemi. Cette bataille a montré aux musulmans, aussi bien qu'à leurs prédécesseurs, que, aussi prudent puisse être l'ennemi, et peu importe combien il investit dans ses mesures de sécurité, peu importe combien il montre gérer chaque grande et petite chose, il y a toujours des trous à travers lesquels on peut passer et lui causer des dommages sur son territoire. Ceci est un important facteur dans le domaine de la guerre que d'être plein d'entrain, avec une forte volonté, d'être courageux et de rendre possible l'impossible. Se remettre à Allah et évoquer la grandeur d'Allah brise tout obstacle moral, juste comme le fait d'adopter les moyens de détruire les obstacles physiques. La compagnie d'Allah, le fait de se remettre à lui et d'adopter les moyens sont deux faces d'une même arme qui ne peut être vaincue. Cinquième point. Démontrer la force des Moudjahidines et leur courage lors de la rencontre face à l'ennemi. Le djihad ne peut se faire sur le papier, mais en réalité il doit être fait en faisant face à l'ennemi. La meilleure défense, comme on le dit, est une bonne défense. Aussi, pratiquer le djihad en réalité est le meilleur moyen de former de compétents soldats qui soient fermes contre l'ennemi et lui causent des dommages. Lorsque l'ennemi voit ce genre d'opération individuelle, où une personne se démène pour causer toute cette perte dans les rangs de l'ennemi, ceci est une leçon pratique de courage et montre à l'ennemi qu'ils sont en train de combattre contre des hommes d'une classe spéciale, et que ce garçon est juste un échantillon de ce qui va suivre en lion qui s'impatiente des futures batailles qui vont transformer les jours des ennemis en nuit et leur vie en enfer. Il n'y a pas de doute que le jeune homme de la bataille de Toulouse a été inspiré par les images de championnat et de courage de ses aînés, qui ont fait de précédentes batailles, spécialement les batailles bénites de Madrid et de Londres. Il a en réalité rajouté et improvisé plus sur d'autres aspects, à en devenir juste en lui-même une école en soi. Tels sont les héros et les lions du djihad, une série continue. Ainsi leur réussite vient d'Allah et qu'Allah les récompense. Sixième point, frapper l'ennemi chez lui. Ceci revient à ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dorénavant, nous les attaquerons et ils ne nous attaqueront pas. Et cela a plusieurs utilités dans le domaine de la guerre. Les musulmans sont devenus habitués à être des cibles faciles pour l'ennemi. Là où il déshonore nos femmes et tue nos hommes, et nous n'avons rien en retour que des larmes. Ainsi l'ennemi s'est habitué à cela. Il pense que ça doit rester ainsi pour toujours, même dans les guerres qu'on appelle de libération, que nos grands-pères ont combattues. Elles étaient juste limitées à des guerres de défense qui a atteint certains objectifs, puis l'ennemi vit qu'il serait mieux de retirer ses soldats afin de les protéger et de mettre à la place des soldats de nos pays pour veiller à ses intérêts, pour le moindre prix. Et en même temps, il a mis des régimes apostats qui adhèrent à leur religion et prennent les ordres d'eux. Les choses sont différentes maintenant. Et la nation a adopté le djihad et refuse cette censure, ainsi que cet horrible abus de notre richesse et de nos pays. Les mujahidines ont brisé la barrière de la peur et mené la nation à l'étape de challenge par l'organisation d'attaques rapides et uniques qui visent les positions économiques, politiques et militaires de l'ennemi chez lui. Et toute la louange revient à Allah. L'ennemi s'est mu vers une position de défense et d'observation. Comme cette bataille a montré un haut niveau d'organisation et d'exécution de la part des mujahidines, ce qui les a mis dans une position que craint l'ennemi. Par conséquent, plusieurs de ses futurs plans se seraient arrêtés. Ses principaux journaux se seraient dispersés, aussi bien à l'intérieur de la France qu'en dehors de ses frontières. Je veux parler par là de la guerre contre l'Afghanistan en particulier et de ses interférences sans limite en Afrique du Nord et du Sud du Sahara contre Al-Qaïda d'Al-Jihad là-bas. Il est devenu normal de dépenser beaucoup d'argent pour sauvegarder sa sécurité. Et elle a assigné des soldats et des agents pour traquer les pas des mujahidines et espionner leurs plans par peur de leur prochaine frappe. Cet épuisement de son énergie et la distraction de ses forces donnent l'avantage aux mujahidines sur cette guerre actuelle. Cette peur est plantée dans l'esprit des ennemis. Et cela est un facteur et une grande arme que les mujahidines possèdent. Et elle va toujours les accompagner dans leur guerre continue pour terroriser les ennemis, disperser ses forces et écouler leurs richesses, juste comme c'est arrivé aux croisés d'Amérique. Ses alliés vont très bientôt rejoindre. Comme cela a été recommandé par le leader et martyr, avec la permission d'Allah, d'Al-Qaïda, Cheikh Abu Abdullah Osama, nos ennemis ne doivent pas jouir de sécurité ni de sûreté chez eux jusqu'à ce que tous les musulmans en jouissent eux-mêmes chez eux. C'est une équation qu'ils ne comprennent toujours pas, malgré toute sa clarté en raison de leur grande avidité, et ils souffrent de l'arrogance qui les aveugle. Ils ont continué à détruire leur propre maison de leurs propres mains et les mains des nouvelles générations d'Al-Qaïda. Septième point. Comme nous souffrons, vous souffrirez, et comme nous sommes tués, vous serez tués. Lorsque l'ennemi est loin de toute frappe et d'opération mortelle, il va plus loin et cause même de grandes souffrances et profondes blessures qui saigneront pour un long moment. Ils osent aussi répandre le sang de nos peuples sans crainte de représailles, ni une petite portion de conscience, ni valeur, ni religion. Comment donc y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu? Mais l'image est inversée de nos jours. Il n'y a plus un agresseur et une victime d'agression. Une partie éclaire et l'autre s'effondre. La guerre de nos jours est équilibrée en termes de résultats. Et même si ce ne serait pas le cas, ce serait juste en termes de disponibilité matérielle. Attaquer et défendre, donner et prendre. Je pourrais même jurer que les soldats de la piété ont accompli des victoires uniques et consécutives qui ont fait que l'équation se soit renversée. L'ennemi souffre maintenant de la même manière que nous, et même plus encore en réalité, car nos souffrances sont physiques et matérielles, alors que leurs souffrances sont psychologiques, mais bien plus grandes que ces souffrances matérielles et physiques. Nous trouvons que les mécréants, leurs alliés, les hypocrites et les agents sont en colère et leur vivacité s'effondre lorsqu'ils souffrent d'un ulcère ou d'une blessure malgré toutes les tentations matérialistes et l'énorme couverture dont ils bénéficient durant leur guerre. Ils espèrent une récompense matérielle dans cette vie et ils vivent pour eux-mêmes. Leur préoccupation est pour leur nourriture, leur qibla est leur tentation, leur paradis, leurs intérêts terrestres. Lorsqu'ils sentent que ces intérêts diminuent ou sont en danger, ils passent alors par une série de souffrances qui ne s'arrêtent pas et ne peut être compensée financièrement. Les souffrances morales et spirituelles sont essentiellement constituées par la perte de sécurité et une peur constante. Les Mujahidines croyants vivent un état de crainte qui est accompagné par un état de forte vigilance et de précaution, et ceci est une bénédiction déguisée. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants, sourate al-Baqarah, verset 155. Ils sont obligés de rechercher les voies pour atteindre la victoire et d'arrêter les ruses et plans de leurs ennemis. Ceci est le même état que le premier groupe dirigé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, groupe qui a vécu durant la période de faiblesse avant de devenir des leaders sur terre. Et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Surat al-Anfal, verset 26. Leurs ennemis, quel que soit le peuple ou les soldats, sont tous les mêmes devant la charia, puisqu'ils sont tous des combattants. Vivent dans un état permanent de désolation et de peur, et ils perdent la sécurité et la sauvegarde. Ils n'ont aucune alternative pour reprendre ce qu'ils ont perdu, alors vous les voyez déprimés. Et certains d'entre eux vont jusqu'à se suicider pour échapper à cette vie d'enfer. Certains d'entre eux ont recours aux drogues et à l'alcool pour inhiber cette constante crainte. Comme avec eux, ce monde signifie tout, il y a des souffrances financières. Nous avons vu combien ils étaient toujours affectés et leur économie souffre toujours et est en chute libre suite à cette guerre que les Mujahidines mènent contre leurs institutions économiques. Que l'ennemi ne dépense-t-il pas dans cette guerre durable contre les croyants et qu'en advint-il par la suite en termes de récession dans le domaine du commerce et du tourisme? Ainsi nos ennemis deviennent les plus gros perdants et ce avec la plus grande souffrance dans cette guerre actuelle. Ils souffrent aussi de souffrances politiques, qui sont représentées par la perte de cette fausse auréole que l'ennemi s'est lui-même forgée pour apparaître devant les autres comme le plus fort et le plus méritant. Je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Surat al-Ghafir, verset 29. Sa défaite militaire aide à briser cette auréole, menant à la perte de pouvoir politique, en apparaissant faible lorsqu'il perd ses suiveurs qu'il ne peut protéger, puisqu'il ne peut se protéger lui-même. Les principes de l'ennemi sont sans valeur et sans poids, à moins qu'elle soit établie sur terre avec les épées et le fer, et si l'un de ces deux-là est absent, son étoile chute alors et son auréole disparaît avec, et l'au-delà. Là, Muhammad Merah est parti là où chaque mujahid monothéiste aimerait aller, et a laissé derrière lui que chagrin et souffrance remplissant les ennemis d'Allah, les croisés et les juifs. Il a laissé la fierté et l'honneur remplissant le cœur de chaque mujahid sincère. Chacun souhaitant suivre le chemin de ce héros et d'écrire une nouvelle ligne à entamer, une bataille continuelle entre nous et nos ennemis jusqu'au jour de la résurrection. Muhammad Merah, rahimahullah, est parti en quittant des bataillons de soldats anonymes d'Allah, qui attendent dans les sociétés des croisés leur zéro, pour continuer ce qui a été entamé par les prédécesseurs afin d'ouvrir la porte, se tenant entre ces régimes croisés et ces générations révoltées et rebelles, à venir pour couper l'ennemi avec de plus profondes blessures, accroître les fronts d'espionnage ainsi que les dépenses pour sauvegarder leur sécurité perdue, ainsi que leur vie limitée. Qu'est mauvaise cette guerre que les croisés ont déclenchée contre eux-mêmes. Et ils n'abandonneront pas sans un échec clair ou une paix déshonorante. Finalement, je dis que ce que nous devons tirer comme bénéfice d'aussi grandes et uniques batailles est une foi et une croyance certaine que la compagnie d'Allah est avec les moudis. Mujahidin, et quelle est l'arme la plus efficace dont nous devons être fiers et prendre soin en se rapprochant le plus d'Allah et d'obéir aux ordres des sages leaders dans le domaine et d'essayer de nous libérer de tous les plaisirs de ce monde pour ainsi mériter l'aide d'Allah ainsi que sa guidance et sa victoire. Et toutes les louanges sont à Allah, Seigneur des deux mondes, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Écrit pour imprimer dans l'histoire la bataille de Toulouse et inciter les croyants, Cheikh Abu Sa'd al-Amili, le 29 Rabi al-Thani 1433 ou le 22 mars 2019.